Chapitre 12. Maurice d'Harville à Charles de Montbrun. Monsieur, jamais je ne pourrai m'acquitter envers vous, mais je vous promets de la rendre heureuse. Je vous promets que vous serez content de moi. Il y a dans votre virile parole quelque chose qui m'atteint au-dedans. Vous savez vous emparer du côté généreux de la nature humaine, et encore une fois vous serez content de moi. Que vous avez bien fait de ne vous reposer sur personne du soin de former votre fille. Aucune autre éducation ne l'aurait faite celle qu'elle est. Quant à votre invitation, je l'accepte avec transport, et pourtant, il me semble que vous me verrez arriver sans plaisir. Mais vous avez l'âme généreuse, et j'aurai toujours pour vous les sentiments du plus tendre fils. Non, je n'aurai pas ce triste courage de mettre une main souillée dans la sienne. Votre fils de cœur, Maurice d'Harville.